Nous, déjà, aujourd'hui, le 27, c'est une date très importante pour Latam, parce qu'aujourd'hui, là, on avait lancé une action, Evacuate Africans from UA. Nous avons organisé plus de 18 bus qui ont fait venir près de 1000 Africains en Allemagne. Les quatre premiers bus étaient aujourd'hui le 17. Hein. Quand je parle de ça, je me mets encore la chair de poule. Qui ont pris des Ukrainiens, des Africains en Ukraine pour les ramener en Allemagne. Et venus en Allemagne, il s'agissait de savoir qu'est-ce qu'on fait d'eux. La loi qui est sortie, c'était pour l'insertion des Ukrainiens, mais pas des Africains de l'Ukraine. Donc il fallait combattre pour que justement ils donnent la permission de pouvoir rester en Allemagne jusqu'en fin mai. En fin mai, ils ont reçu presque tous des lettres. Leur demandant de quitter le territoire allemand pour rentrer en Afrique. Afrique Média, le monde, c'est nous.